إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر la bienvenue à tous les frères et à toutes les sœurs sur le salon des repères de la Sunna et on va donc continuer l'explication en langue française inshallah du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc on va continuer notre parcours dans la surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire surat la vache. Donc on avait déjà expliqué surat Al-Fatiha. Donc la surat qui vient directement après par rapport à l'ordre du mushaf. C'est bien sûr Al-Baqarah. Le cheikh avait commencé à expliquer le premier verset et aussi le deuxième verset et quelques versets suivants. Et maintenant, donc, il va passer au verset numéro 16. Donc, comme on a dit, le cheikh, il prend des passages de chaque surat. Il prend des passages de chaque surat. Donc, un passage, bien sûr, il peut avoir un seul verset ou il peut avoir plusieurs versets. Et donc là, le prochain passage et le passage qu'on étudie maintenant, c'est en fait le verset numéro 16. Le verset numéro 16 de surat La vache. يقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Je redis le verset en arabe. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. En fait, ici, le terme, un des termes qui est employé, ou il y a plusieurs termes qui sont employés dans ce verset, c'est al-dalalatu, al-dalalatu. Wa al-dalalatu, on dit donc al-dalal ou al-dalalatu, c'est bien sûr l'égarement. C'est l'égarement. Un autre terme qui est employé dans ce verset, al-huda. Al-huda, et al-huda, c'est bien sûr la guidance. C'est ce qu'on traduit en fait par la guidance ou le droit chemin. De façon générale, on traduit ça par la guidance, al-huda. Un autre terme aussi qui est employé dans ce verset, at-tijara. At-tijara, yani tijaratuhum, at-tijara. Ou at-tijara, c'est quoi? C'est en fait le commerce. At-tijara, c'est le commerce. Voilà pour les trois mots qui sont utilisés. Oulinam, al-balala, al-huda. والتجارة يقول الشيخ في هذه الآية إخبار عن المنافقين بأنهم رغبوا في الضلالة ورضوها لأنفسهم وتركوا الهدى وأعرضوا عنه فخسروا هذا الذي رغبوا فيه وما ربحت تجارتهم فيه ولا يظفروا بالهدى الذي تركوه ولهذا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Donc le cheikh nous explique ici que ce verset il est descendu sur qui? Sur les المنافقين, c'est-à-dire les hypocrites. Ce verset il est descendu sur les hypocrites. Et en fait, à travers ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là, ils ont fait en fait un troc. Que ces gens-là, en fait, ils ont fait un commerce. Qu'ils ont fait un commerce. Et que ce commerce-là, ça s'est traduit en fait bil ce qu'on appelle al-mubadala. Al-mubadala, c'est-à-dire par l'échange. C'est un échange. Et donc, vous savez qu'at-tijara al-bi'a du temps des Arabes, c'était bien sûr soit en payant avec cash, c'est-à-dire en payant avec de l'argent, contre en fait quelque chose, ou sinon c'était faire de l'échange. C'était faire donc de l'échange. Donc on voit en fait que le terme tijara ou le bair, c'est-à-dire le commerce, ça inclut en fait ces deux choses. Ça inclut ces deux choses, que ce soit en fait de l'argent, ou que ce soit avec ou l'échange de deux choses. Donc ici on voit qu'il y a un échange. C'est quoi cet échange? C'est l'égarement contre quoi? La guidance, contre la bonne voie. L'égarement contre la bonne voie. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, à partir de là, il va nous expliquer, à partir d'ici, on voit que dans le verset, il est cité Ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda. Donc ici il y a le ba qui est utilisé, bil huda. Le cheikh va nous expliquer à partir de là que ce al-ba qui est utilisé ici, bil huda, c'est en fait yaqul wal ba'u dakhilatun ala shay'il matruk, ala shay'il matruk. Wa hakadha kullu shay'in yushtara. فإن الباء في تدخل المتروك هو الثمن ومن ذلك ما جاء في آية أخرى عن بعض الكفار مثل قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا تخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ça c'est في سورة البقرة et sur le verset 86. Donc le shir nous explique en fait que le ba ici, donc ça encore il revient souvent, le shir va revenir souvent à des règles qui sont en relation avec la langue arabe. Il nous dit en fait que le ba, bil huda, ici c'est un ba donc qui est utilisé, le ba, il va rentrer en fait sur la chose qu'on lui rentre, où il est annexé à la chose qui est quoi? Qui est délaissée. La chose qui va être délaissée. Donc ici dans le verset, qu'est-ce qui est délaissé? C'est la guidance. Elle est délaissée par quoi bien sûr? Par ad-dalala, c'est-à-dire elle est délaissée par pour l'égarement, ou elle est délaissée pour l'égarement. Donc en fait c'est un tijara. C'est un troc qu'il y a ici. Il y a un troc, un échange qui est fait. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il emploie le terme tijaratum. Il dit en fait que c'est un commerce qu'ils ont fait. C'est un commerce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va utiliser aussi ce même procédé linguistique. Il dit dans le hadith, « Kullu nasin yardu, faba'i'un nafsahu, famu'tiquha au mu'biquha, au mu'biquha. » En fait, cela nous dit dans ce hadith authentique que tous les gens en fait partent de bonne heure le matin, ils partent dès le matin. Et qu'à ce moment-là, durant la journée, فَبَاعِرُونَ, c'est-à-dire qu'ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont vendre leur âme. Ils vont vendre en fait leur âme. C'est pour ça que le prophète sallam a utilisé le terme فَبَاعِرُونَ, qui vient bien sûr du terme al-bay', فَبَاعِر وَاسْمُ الْفَاعِل, c'est-à-dire celui qui vend, celui qui commerce. Donc ça vient du terme al-bay', qui est le commerce. فَبَاعِرُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا, c'est-à-dire فَمُعْتِقُهَا, c'est-à-dire que il va soit la sauver, donc il va échanger son âme contre quoi bien sûr? Contre la guidance, et pour atteindre en fait et pour gagner le paradis. أَوْ مُوبِقُهَا, ou sinon مُوبِقُهَا, il va la faire tomber bien sûr dans les abîmes des ténèbres, et donc il va vendre son âme pourquoi? Pour l'égarement. Il va vendre son âme pour l'égarement. Donc en fait, c'est aussi une métaphore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisée dans ce hadith. Et on voit que le terme qu'il a utilisé, fabayrun, et ici le terme qu'il a utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala, tijaratuhum, et c'est donc le commerce, et c'est donc, il y a ici en fait achat, et il y a aussi mubadala, c'est-à-dire il y a échange, l'échange d'une chose par une chose. Allah al-musta'an. Dans le verset qui nous est cité, donc le cheikh nous a expliqué donc que le ba ici il rentre en fait dans la chose qui est délaissée. Al-ba ou dakhila, c'est-à-dire qu'il va précéder la chose qui a été délaissée. Ici c'est bil huda, donc c'est la guidance. Il nous donne d'autres exemples du Coran, le cheikh, pour qu'on comprenne en fait. Il nous rappelle donc le verset que je vous ai cité, qui est le verset 86. Ulaika alladhina ashtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa lahum yunsarun. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, contre la vie de l'au-delà. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, ils ne seront point secourus. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Donc le terme ici qui est employé, ishtarul hayat dunya bil akhirah, bil akhirah. Donc bil akhirah, on voit que le bas il est rentré dans quoi? Dans la chose qui va être délaissée. Al akhirah, donc c'est l'au-delà. C'est l'au-delà, la vie de l'au-delà. Ils ont délaissé, subhanallah, la vie de l'au-delà pour cette vie d'ici, pour cette vie d'ici-bas, cette vie éphémère qui va se terminer très bientôt. Et lorsqu'on sera dans l'au-delà, on comptera les jours qu'on a vécu dans cette vie d'ici-bas comme quelques jours, faqat. Comme quelques jours, peut-être quelques heures, c'est tout. Ce sera un vague souvenir, en fait, de quelques heures, quelques jours. Ces gens-là, ici, dans le deuxième verset qu'on a cité, c'est à propos de certains kuffars, de certains mécréants. Alors que le verset que l'on est en train de parler, qui est de Surat al-Baqarah, ici, c'est pour al-Munafiqin. Donc que ce soit les hypocrites ou que ce soit les mécréants, ils sont en fait dans le même sac. C'est-à-dire qu'ils ont fait un échange, qu'ils ont fait un commerce, ces gens-là. Et ce commerce-là, c'est quoi? C'est le fait d'avoir échangé la guidée ou la guidance. Et le fait d'avoir échangé cette vie ou d'avoir échangé la vie de l'au-delà contre quoi? Contre la vie d'ici-bas. Bil akhirah. Donc ici, bil akhirah. Il nous saute encore un autre exemple, cher. فقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ça c'est surat al-Baqarah aussi, c'est encore surat al-Vache. La vache c'est le verset 175. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الاشتراء ici, c'est bien sûr le fait d'acheter. اشتروا الضلالة بالهدى, où ils ont acheté Nam Abdalala, c'est-à-dire qu'ils ont échangé cette guidance contre quoi? Hein? Contre l'égarement. Allah al-Musta'an. Et une parole qui, en fait, nous fait comprendre que ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est un commerce. Que ce qu'ils ont fait, c'est un commerce, mais que ce commerce-là, c'est un commerce bi-khasara, c'est-à-dire qu'ils sont perdants dans ce commerce. C'est un commerce à perte. Wal-'adhab bil-maghfira. Wal-'adhab bil-maghfira. C'est-à-dire. Le châtiment contre quoi? Contre le pardon. Allah al-Musta'an. Ils ont échangé le châtiment contre le pardon. Le pardon d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi on voit Al-Azaba bil-Maghfira. Le bas il rentre dans. Où il précède quoi? Al-Maghfira. Donc la chose, Al-Shay wal-Matruk. La chose qui est délaissée. La chose qui est délaissée. Al-Azaba bil-Maghfira. Donc le châtiment contre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Qu'est-ce qui leur fera supporter donc le feu après cela? Allah al-Musta'an. Il nous donne encore un dernier exemple, Cheikh, rahimallah, pour expliquer toujours que Al-Ba rentre en fait sur la chose qui va être délaissée. Et que cette chose qui est délaissée va être bien sûr moindre que la pour laquelle on a en fait délaissé cette chose-là. يَقُولَ اللَّهُ عَزَوْ جَلْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc encore ici il y a un échange qui est fait, mais sur ce verset c'est le verset qui est descendu sur Bani Israël, sur Bani Israël, et vous savez bien sûr ce qui s'est passé avec Moussa. Et à partir de là Moussa donc il leur a dit قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc le sens du verset est rappelez-vous quand vous dites, c'est-à-dire Bani Israël, quand vous dites ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, c'est-à-dire qu'on peut traduire le terme par ail aussi par blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit voulez-vous échanger, c'est-à-dire Allah Azzawajal, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Donc ici on voit que le bas il est rentré dans quoi? Billadhi wa khair. Donc c'est la chose ash-shay'ul matruk, billadhi wa khair, ce qui est meilleur. Et vous avez délaissé ce qui est meilleur, pourquoi? Pour ce qui est moindre. Donc encore ici la règle elle est appliquée. La règle elle est appliquée que al-ba udakhiratun ala ash-shay'il matruk. وهكذا كما قال الشيخ كل شيء يشترى. Donc ça c'est surat al-Baqarah aussi, c'est le verset 61. يقول الشيخ فإن الباء داخلة عن المتروك. Une fois de plus هو المن والسلوى. Donc المن donc c'est ce qui est cité aussi dans les versets d'avant. Ils disent la plupart des savants ou plutôt ceux en fait qui ont rassemblé toutes les paroles de ceux qui ont fait l'exégèse du Coran. يقول كما قال ابن كثير كل ما امتنى الله عليه من طعام وشراب. Ça c'est المن. C'est en fait tout ce qu'Allah Azzawajal leur a donné comme en faveur pour ce qui est de la nourriture et de la boisson. Donc en fait, vous savez que par rapport à Al-Man, il y a eu plusieurs explications, plusieurs interprétations par rapport à ce terme. Et Ibn Kathir les a en fait rassemblés et il nous dit en fait cette parole qu'on vient de citer. Wasalwa. Salwa c'est en fait c'est une sorte d'oiseau qui est en fait voisin de la perdrix. Certains traduisent par le terme la caille. Al-Kulihal, c'est ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don. Ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don à Bani Israël, et eux en fait ils ont voulu des choses encore, ils ont voulu des choses qui leur paraissaient meilleures. Alors à ce moment là Moïse leur a dit atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Taïb. Le chien ensuite il va passer à un autre passage du Coran, et qui est le verset suivant. Donc on est bien sûr toujours dans surat la vache, c'est le verset 21 et 22. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ça c'est le verset 21 et 22. Verset 21 et 22. Naam. Donc le sens, la traduction de ce verset est la suivante. C'est lui qui vous a fait, ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ici, en fait, Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, va employer un procédé qui va revenir beaucoup dans le Coran. C'est ce qui va en fait mettre en évidence le shirk. Il va mettre en fait en évidence cela. C'est qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il montre aux kuffar, il montre aux mushrikoun, il montre en fait aux mécréants, il montre aux polythéistes et tous ceux qui ne croient pas en lui, il leur montre, ou ceux qui croient en lui et lui associent, il leur montre en fait que si vous, vous acceptez et vous reconnaissez Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire que vous reconnaissez l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté. Et ça, c'était le cas de qui? De Quraysh. C'était le cas de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Pourquoi? Est-ce qu'il les a combattus parce qu'ils n'attestaient pas l'unicité d'Allah Azzawajal dans la souveraineté? Non. Parce qu'il l'a testé. Quraysh a testé cette catégorie d'unicité. Et les versets du Coran qui relatent cela et qui nous prouvent cela sont beaucoup, multitude de versets qui nous prouvent cela. Et donc à partir de là, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce verset? Il dit en fait que si vous reconnaissez que je suis votre créateur, que je suis le créateur de ceux d'avant vous, que vous reconnaissez que j'ai placé la terre comme un lit pour vous, que j'ai placé aussi le ciel comme une voûte, et que j'ai fait descendre de ce ciel tout ce qui est sorti comme fruit, etc., comme une pourvoyance pour vous, alors فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Alors ne placez pas des semblables pour Allah, ne placez pas des semblables, yani ne cherchez donc pas des égaux, des semblables. Et le terme ici, andada, c'est le pluriel de anid, niddun. Et niddun, au niveau de la langue arabe, c'est en fait le semblable. C'est le semblable. Donc lorsqu'on met on veut mettre une personne semblable à une autre, yani, on appelle que hava niddu, c'est-à-dire ça, c'est son semblable. C'est pour ça que Allah Azzawajal, il emploie en fait ce terme, andada, qui est le pluriel de nid. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc si vous reconnaissez cela, et si vous apercevez que réellement Allah Azzawajal, il est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est à lui qu'appartient la souveraineté, alors automatiquement cela implique que vous reconnaissez Tawhid al-Uluhiyya, qu'Allah Azzawajal, il est le seul à être adoré. Qu'il est le seul à être adoré. Tawhid al-Uluhiyya. Et donc ça, ce procédé est utilisé beaucoup dans le Coran. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il leur montre qu'ils croient en fait dans ce Tawhid al-Rububiyya, et qu'ils l'acceptent et qu'ils le reconnaissent, alors cela implique, donc c'est une implication, donc l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté, le fait de reconnaître cette catégorie va impliquer quoi? Va impliquer la reconnaissance de quoi? Et l'attestation du Tawhid al-Uluhiyya, de l'unicité d'Allah Azzawajal dans quoi? Dans son adoration. Et ça, dans le Coran, le cheikh va nous citer encore un exemple, et ça dans le Coran c'est beaucoup. Les versets qui sont de ce style sont nombreux. Ça, c'est la première chose, c'est l'une des choses que le cheikh va nous expliquer. Avant cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le cheikh rahmatullah alayhi wa hafidhahullah, il nous dit tout simplement que dans le mushaf, c'est-à-dire dans le Coran, c'est le premier ordre qui est venu d'Allah Azzawajal, le premier ordre. Si maintenant on regarde surat Al-Fatiha, yani surat Al-Fatiha wa surat Al-Baqarah, qui sont les deux premières surates, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le Coran? On s'aperçoit que le premier ordre qui vient, c'est quoi? Ça va être ce verset. Et c'est quoi cet ordre? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhannas » c'est-à-dire, et comme l'explique Ibn Abbas, Il dit, bien sûr, lorsqu'on entend Ya ayyuhan nas ou Ya ayyuhal ladina amanu ou Ya ayyuhal mu'minun, etc., automatiquement après il va venir soit un ordre ou soit il va devenir quoi ? Une interdiction. Soit Allah Azzawajal nous ordonne de faire quelque chose ou nous interdit de faire quelque chose. À partir de là, on voit qu'ici, Ya ayyuhan nas, c'est le premier nida, c'est-à-dire que ici il va avoir, Allah Azzawajal appelle les gens. Il appelle les gens à quoi ? Et c'est ça le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est quoi ? Wa'ibad, comme il dit, wa'ibadatullah. Wa'a'zamu ma'mourin bih. Et donc, vu que c'est la première chose qui a été ordonnée dans le Coran, c'est en fait la chose la plus grande, la chose la plus grandiose, la chose la plus immense, c'est-à-dire l'obligation qui est la plus grande. Dans la religion musulmane, dans la religion islamique, l'obligation la plus grande, la plus grandiose, c'est quoi ? C'est d'adorer Allah Azzawajal lui seul. C'est ce que Allah Azzawajal nous a ordonné. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a envoyé ses prophètes. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a fait descendre ses livres. Pourquoi ? Li'ajli Tawhid al-Uluhiyya, qui est bien sûr l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration. Qu'on rend Allah Azzawajal unique dans cette adoration, qu'on lui adore, qu'on adore que lui et qu'on délaisse tout ce qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que c'est le premier ordre qui est descendu dans le mushaf. C'est-à-dire le premier ordre, lorsqu'on lit bien sûr le mushaf, en partant de la Fatiha, on voit que c'est le premier ordre qui est apparu dans le Coran. Et c'est bien sûr l'ordre le plus important, celui d'adorer Allah Azzawajal. Et ensuite, il dit, « وعلى أول نهي نهى الله عنه فيه وشرك بالله واتخاذ الأنداد له وهو أعظم من هين عنه. » Il nous dit de même, après qu'il y a eu cet ordre, il va avoir une interdiction. Et cette interdiction, c'est donc la première interdiction qui vient dans le Mushaf. C'est la première interdiction qui vient dans le Coran, c'est cette interdiction et qui est quoi ? Qui est l'associationnisme. Donc le contraire, bien sûr, du Tawhid, le contraire du fait d'adorer Allah Azzawajal sans rien lui associer, et bien sûr qui est Ashir, qui est bien sûr l'associationnisme, le polythéisme et le fait de lui donner des semblables. Le fait de lui donner des semblables, c'est-à-dire des semblables dans son adoration, Al-Andad. Donc on voit ici le premier ordre et la première interdiction. Et que cette interdiction, bien sûr, c'est la plus grande des interdictions. La plus grande des interdictions. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est par cette interdiction, si la personne l'a fait, elle ne pourra jamais rentrer au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, c'est de par cette importance de cette interdiction, que ça a été la première interdiction qui vient en fait dans le Coran, fil mushaf. Et donc, pour revenir à cela, la première obligation, c'est U'budu Rabbakum. U'budu. Ici on voit que le verbe il est à quoi ? Il est l'impératif. Fi'lu amr. U'budu Rabbakum. Ça c'est l'obligation. Et ensuite l'interdiction. Fala taj'alu lillah. Fala. La nahiyuna. C'est pour ça ensuite, bien sûr, fala taj'alu. La nahi. C'est-à-dire le la qui est utilisé ici, le nom, c'est un nom qui en fait implique l'interdiction. Fala taj'alu lillah andada. Wa antum ta'lamun. Et le shaykh va nous dire en fait que ces deux versets, U'budu Rabbakum, et le deuxième verset, Fala taj'alu lillahi andada, c'est en fait l'explication de La ilaha illallah. Kalimat al-Tawhid, l'explication de La ilaha illallah. Il nous dit donc, dans le verset, Fala taj'alu lillahi andada, c'est l'explication en fait La ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration. La ilaha. Fala taj'alu lillahi andada. Ne donnez pas à Allah Azzawajal des égaux, des semblables. Donc, bimana la ilaha. Wa qawluhu u'budu rabbakum bimana illallah. Bimana illallah, c'est-à-dire adorez seul votre Seigneur ou adorez votre Seigneur, c'est ma'na la ilaha illallah, sauf Allah. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah, illallah. U'budu rabbakum. Et donc le shirk, il revient ensuite sur cette, où il nous explique la règle que j'ai dit, la première règle qui est la plus importante par rapport à ce verset. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shirk, donc en revenant sur le fait que le fait d'approuver l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté implique que l'on reconnaisse l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa dans son adoration. C'est pour ça qu'il dit le shirk, كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فإنه لا معبود حقا سواه. Il nous dit le shirk, comme il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, le fait que l'on dise la khaliqa illallah, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah. Et il nous dit wala raziqa illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pourvoyeur sinon Allah. Tout cela, bien sûr, c'est rentre dans Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté. La khaliqa illallah, wala raziqa illallah. Fa innahu, idhan fa innahu, bien sûr, ça implique fa innahu la ma'bouda haqqan siwa. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre être adoré en dehors de lui. Ça implique tout simplement. Si maintenant, tu sais que celui qui te nourrit de façon journalière, celui qui t'a créé, celui qui a créé ton père, ta mère, ta grand-mère et tes ancêtres, c'est pas celui qui mérite d'être adoré. Tout simplement, cette question qui est posée. Cette question qui est posée tout le long, en fait, du Coran, pour faire réagir ces gens, pour leur faire comprendre, en fait, qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils sont en fait dans le faux, qu'ils ont adoré des êtres qui ne les ont même pas créés, qui ne leur donnent même pas leur pourvoyance. Alors pourquoi eux, ils méritent cette adoration? Ils méritent l'adoration, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la pourvoyance, celui qui te protège du mal, si quelqu'un te fait du mal. C'est celui qu'il faut que tu adores, tout simplement. Et là, c'est pour ça qu'il y a le shir wa lihada yati kathiran fil Qur'an. تقرير التوحيد الذي أقروا به لإلزامهم بالتوحيد الذي جحدوا. Et ensuite il va nous citer un autre verset encore, le Cheikh Rahimullah. Allah Azza wa Jal, donc c'est un long verset ou plusieurs versets bien sûr, et qui vont encore nous prouver la règle qu'on a citée et qui va encore nous démontrer en fait le procédé qu'Allah Azza wa Jal utilise pour en fait argumenter contre les gens qui lui ont associé, alors qu'ils ont reconnu en fait l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté, qu'ils ont reconnu qu'il est le Seigneur en toute vérité. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc ici, dans ce verset ou dans ces versets, Allah Azza wa Jal va tout simplement faire apparaître la générosité, cette générosité qu'il leur a donnée, c'est-à-dire tout le bien qu'il les a donné à travers sa générosité et à travers les bienfaits qu'il leur a donnés. Il dit Allah Azza wa Jal dans le sens donc du verset, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Subhanallah. Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, il a fait descendre avec l'eau qu'il a fait descendre du ciel, alors qu'il a créé le ciel et la terre. Regardez en fait, Tassalsulan, il a créé les cieux et la terre. À partir de là, il a fait descendre du ciel une eau. Et à partir de cette eau, il a fait pousser des jardins pleins de beauté, comme on peut admirer à travers le monde. Alors que vous les créatures, vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, simplement leur arbre. Alors à partir de là, ça c'est la souveraineté d'Allah. Ça c'est Ar-Rububiyya. À partir de là, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. C'est-à-dire, y a-t-il donc une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui a fait tout cela pour vous, dans votre intérêt. Imana afirikum. est-ce que vous maintenant vous allez lui donner des associés? Est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça c'est compréhensible? Balhum qawmun ya'dilun. Balhum qawmun ya'dilun. Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? La terre, cette terre qu'il a aplanie, qu'il a placée pour qu'on puisse en fait se reposer, placer des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Une séparation entre les deux mers. Bien sûr, les deux mers, c'est les deux masses d'eau qui sont l'une des sources, l'une douce et l'autre salée. Ça aussi, c'est encore un signe que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il donc une divinité avec Allah à partir de là, alors que c'est Allah azzawajal qui a fait cela? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. Ensuite, n'est-ce pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? À l'angoissé lorsqu'il l'invoque. Al-Muttar, celui qui est angoissé ou celui qui en fait qui est, dont un mal l'a atteint ou qui est en fait dans une impasse. Alors, à ce moment, au moment où il l'invoque, c'est pas lui, Allah Azza wa Jal, qui va répondre, hein, qui va répondre à son invocation et qui enlève ce mal. Qui enlève le mal dont il a été touché, et qui vous a fait succéder sur la terre génération après génération. Subhanallah. C'est Allah qui nous a fait succéder génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Donc à partir de là, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, que vous associez? C'est rare que vous vous rappeliez. Ensuite, n'est-ce pas celui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, alors qu'on était égarés? Si Allah Azzawajal ne nous avait pas guidés, nous serions égarés. Comme il nous a guidés sur cette guidance, comme il nous a guidés sur ce droit chemin, qui est en fait la religion de l'islam. N'est-ce pas celui qui vous a guidé dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce, c'est-à-dire lorsque le vent il arrive, c'est la pluie qui va venir, et à partir de là, l'eau va descendre, et à partir de là, les légumes, l'herbe, etc. vont pousser. Donc, comme une bonne annonce précédant sa grâce, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là, y a-t-il donc pas une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah azawajal, subhanahu wa ta'ala, il est bien au-dessus. Ta'ala Allahu amma yushirkun, avec tout ce qu'il nous a dit. Et Allah azawajal, il continue son argumentation. Fayaqul, n'est-ce pas celui qui commence la création? Celui qui a commencé la création, qui a créé toute chose. N'est-ce pas celui qui commence la création puis la refait, yani yu'idu, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Ça aussi, Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla, voilà, c'est celui qui pourvoit. À partir de là, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Après cela, après tout ce qu'on a argumenté, tout ce qu'on vous a prouvé, et qu'on vous a prouvé qu'Allah Azza wa Jalla était bel et bien le souverain, donc que cela impliquait qu'il fallait lui vouer un culte exclusif et ne pas lui associer quoi que ce soit à ilah ou ma Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves, les preuves que ceux que vous adorez en dehors de lui sont réellement ou méritent réellement l'adoration. Est-ce que ces gens-là que vous adorez, est-ce que ces statues que vous adorez, etc., sont capables de faire tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait? Impossible. C'est impossible. Alors à partir de là, Allah Azza wa Jal, il les met devant le fait accompli. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ensuite, le Shia, rahimallahu ta'ala, il termine en fait en rappelant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle en fait que l'associationnisme, que le polythéisme est l'un des plus grands péchés. Yaqul lamma sala Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qailan, أي ذنب أعظم عند الله أي ذنب أعظم عند الله أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك أخرجه البخاري ومسلم ce hadith qui est clair et net et qui est rapporté par les mêmes Bukhari et Muslim, lorsque Ibn Mas'ud a demandé radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit quel est en fait le péché le plus grand auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui est le plus énorme, celui qui pèse le plus auprès d'Allah Azza wa Jal, Ajabahu sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu que tu mettes ou que tu places pour Allah Azza wa Jal un égal. Donc on voit ici le terme Niddan qui est bien sûr le son pluriel qui est Andada, comme c'est utilisé dans le verset qu'on a étudié, wa huwa khalaqak, c'est à dire que tu mettes ou que tu places pour Allah Azza wa Jal un associé, que tu places un égal, que tu vas adorer comme tu devrais adorer Allah Azzawajal uniquement, alors que lui, il t'a créé. Donc on voit ici aussi, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est lui qui t'a créé. Donc ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Et donc cela en fait implique, ça implique automatiquement que tu dois en fait l'adorer. Et ensuite le shia, rahimallah, il passe à un autre passage du surat al-Baqarah, c'est le verset 23. فيقول الشيخ رحمه الله أو حفظه الله قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ça c'est le verset 23. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. Et donc le sens du verset suivant, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous avez un doute, raib, donc le terme ici raib, fi raibim, in kuntum fi raibim. Et ça, c'est le premier verset qu'on a vu, qui est, où le terme aussi également est employé à raib. Et on a vu que c'est ashak. Raib qui est en fait ashak. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire. Mimma nazalna ala abdina. Nazalna, bien sûr, c'est quoi? Ce qu'on a fait descendre, c'est la révélation. Le wahi, c'est ici le Coran. Le maqsoud aussi le Coran. Le Coran. Que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن بيان إعجاز القرآن وأن الذي نزل عليهم هم أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا بأن يأتوا بسورة من مثله وأقصر سور أو سور القرآن سور العصر والكوثر والإخلاص ومع ذلك لم يستطيعوا وقد كان التحدي حصل بالإيتان وقد كان التحدي حصل بالإيتان بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة من مثله وهذا التحدي مستمر وقد أخبر الله بحصول عجز الجن والإنس مجتمعين على إيتان بمثله. نعم. Le shir tout simplement est dans ce verset, il est mis en évidence quoi? Allah عز وجل met en évidence devant toute l'humanité Al-Ijaz, c'est-à-dire Ijaz al-Qur'an, c'est-à-dire le miracle du Coran. Et c'est là le miracle du Coran. C'est exactement ici que le Coran est un miracle. Ce miracle, c'est quoi? C'est que le Coran est descendu sur un peuple qui était des gens, en fait, de l'éloquence et de la littérature. Ces gens, des gens qui étaient, bien sûr, les Arabes, qui, en fait, avaient la perfection de cette langue. Ils perfectionnaient cette langue à travers, en fait, leur poésie, etc. Ils avaient une maîtrise totale de cette langue arabe, au niveau littéraire, au niveau de l'éloquence. Et à partir de là, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a fait descendre son livre dans cette même langue, dans la langue dans laquelle la langue qu'il maîtrisait, et qu'il leur a ensuite lancé un défi, et que ce défi qui est ici relaté dans ce verset, qui est de fait de venir avec une seule sourate. Et comme le cheikh nous dit, les plus petites sourates, c'est sourate al-Asr, al-Kawthar, al-Ikhlas, sont les plus petites sourates du Coran. Et à partir de là, al-Kuffar, al-Mushrikoun, al-Kitab, hatta al-Jinn min haoula, tout ceci en fait n'ont jamais pu venir avec une sourate, et même on dit avec un seul verset du Coran. Même avec un seul verset du Coran, ils n'ont même pas pu venir avec un seul verset du Coran. C'est-à-dire que ce défi, il est continuel. Il est continuel. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, à travers son Coran, lance ce défi de façon continuelle à tous les gens de la littérature, à tous les gens de l'élocution arabe. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, et ils ne pourront pas, de toute façon, ils ne pourront jamais venir avec cela. Et même si, comme il nous dit le shir, même si, hein, il va nous citer le verset, même si les djinns et même si les hommes seraient tous réunis pour seraient tous concertés, tous réunis entre eux pour venir avec un Coran comme ce Coran qui est descendu sur le prophète sallam, et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah haqiqatan, qui est la véritable parole d'Allah, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et qu'Allah azza wa jal, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ça c'est في سورة الإسراء. C'est le verset 88. C'est le verset 88. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns aux autres. Et comme le cher bien sûr précise ici, Allah Azza wa Jal ici, il parle du Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran tout entier. Et c'était le début en fait du défi. Ensuite, ce défi-là, il est en fait descendu à quoi ? À 10 sourates. Et ensuite, il est descendu en dernière étape à une sourate. Et le shir va nous préciser, Hafizahullah, il nous précise le shir en fait quoi? Que même les gens, et à titre d'indication bien sûr, ça c'est quelque chose qui est connu, c'est qu'en fait Allah Azzawajal, lorsqu'il donne une preuve et lorsqu'il donne en fait un miracle à son prophète, ce miracle en fait étant, on va dire, est en harmonie avec ce que maîtrisaient les gens de leur temps, c'est-à-dire du temps des prophètes. Donc on voit en fait que Isa, il pouvait en fait refaire vivre le mort, il pouvait en fait guérir le lépreux. Et vous savez qu'au temps de Isa, les gens en fait avaient une maîtrise de la médecine, une maîtrise relative, mais en fait ils avaient une maîtrise de la médecine. Donc Allah Azza wa Jal est venu en fait avec ce miracle et est venu en fait avec cette preuve qui prouve en fait la prophétie du prophète Jésus, alayhi salam. Donc la même chose que maîtriser ces gens-là. Ce qui est de Moïse, la concurrence entre qui ? Entre les sorciers. Donc c'était la sorcellerie qui prévalait dans ce temps-là. C'est-à-dire que les gens, la mode et ce qu'ils maîtrisaient, c'était la sorcellerie. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal a donné à son prophète Moïse, qu'est-ce qu'il lui a donné ? En fait, il lui a donné le miracle de cela. C'est-à-dire qu'il a été capable de concurrencer les plus grands sorciers de l'époque. C'est pour ça que Pharaon les avait bien sûr convoqués. Ils avaient convoqué les plus grands sorciers et ils n'ont pu, ces sorciers-là, ils n'ont pu faire face au défi qui a été lancé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez l'histoire, et donc ils ont reconnu qu'Allah azza wa jal, il était bel et bien le Seigneur de Moïse et de Haroun. Et ils se sont même prosternés, subhanallah. Et donc, pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps là, ce qui était à la mode, bien sûr, c'était la poésie, c'était la langue arabe. Et les gens se lançaient des défis, ils se lançaient des défis par rapport au poème, qui était le plus grand poète, etc. Ils avaient une maîtrise totale de la langue arabe. Et à partir de là, Allah Azza wa Jal va lancer donc son défi, il va faire descendre son Coran en une langue arabe claire. Et donc on voit ici la force, en fait de ce défi. Et à partir de là, comme nous répète le shir, il nous dit en fait que parmi, ou à cette époque-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui étaient des grands poètes et qui maîtrisaient la langue arabe, comme, il va nous citer, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu. Mada yakoul ? Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Yakoul, sami'atu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi al-Maghrib al-Tur. Falamma balagha hadhihi al-aya, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ماذا قال كاد قلبي أن يطير سبحان الله كان يقول كاد قلبي أن يطير qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que Jubair ibn Mut'im et bien sûr il a entendu ce vers parce qu'il avait été emprisonné lors de la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait un verset du Coran. Et ici, en l'occurrence, même deux ou trois versets du Coran. Et bien sûr, Jubair ibn Mut'im, c'est un grand min ahlil fasaha wal balagha. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, lorsqu'il a entendu ce verset, ont-ils été créés à partir de rien ? Ou sont-ils eux les créateurs ? Chouf, subhanallah. Ont-ils été créés à partir de rien ? Ou sont-ils eux les créateurs ? Ça c'est un verset subhanallah, surtout en fait ceux qui y croient même jusqu'à la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, comme les athées. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. C'est ou vous avez été créés à partir du néant, et ça c'est impossible, ou vous êtes les créateurs, et ça c'est impossible. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal, quand il le fait descendre son prophète, ce verset, il le fait descendre bien sûr en langue arabe. Et en plus, il y a bien sûr toute al-fasah al-balagh. Et donc, cet argument qui est lancé à tout être, ou qui est lancé contre tout être humain, plus précisément ceux qui ont mécru en lui, c'est un argument bien sûr qui va être accompagné de l'éloquence parfaite. Pourquoi ? Parce que hada min kalam illah, ça c'est la parole d'Allah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Allahu akbar. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs, ou ont-ils créé les cieux et la terre? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Mais ils n'ont plutôt aucune conviction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun. C'est-à-dire possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Humul musaytirun. Au moment où il a entendu ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Jubair ibn Mut'im, une expression en fait qui prouve que ce verset est entré dans son cœur directement. Mon cœur a failli s'envoler. Allah l'a dit qu'Allah. Il a dit que son cœur a failli s'envoler au moment où il a entendu ce verset-là. Kada qalbi an yatir. C'est-à-dire tellement il a été impressionné et que son cœur il a failli s'envoler. Subhanallah. Et c'est pour ça aussi qu'il nous rappelle, Jubair, dans un des hadiths aussi, il nous a dit « وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِمَانُ فِي قَلْبِي » C'est-à-dire, c'est la première fois que la foi est rentrée dans mon cœur. Donc ça, en fait, c'est une preuve claire et nette. Shahada, c'est un témoignage d'un des grands compagnons. Le Cheikh Rahimullah, il va nous expliquer, j'ai toujours l'habitude de dire Rahimullah, on peut dire en fait Rahimullah par une personne, même si elle est vivante. Même si elle est vivante, on peut dire en fait Rahimullah, mais en principe, on dit Hafizahullah. Pour bien en fait faire la distinction entre la personne qui est morte et la personne qui est encore vivante. Et moi j'ai toujours l'habitude de faire des livres de personnes qui sont mortes, c'est pour ça que j'ai cette habitude. Taïb, wa ma jaa an al-dham al-mu'tazili. C'est-à-dire que le chien maintenant il va parler en fait d'une personne qui est un mu'tazili et qui vient en fait explique ce défi là. Il fait une réfutation, c'est-à-dire qu'il va réfuter la parole que dit cette personne qui est un mu'tazili. Donc vous connaissez la secte des al-mu'tazila. Qu'est-ce qu'il dit le chien? Yaqul min qawl bi-sarfa. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme? Sarfa, c'est un terme bien sûr technique, as-sarfa. Il veut dire tout simplement que en fait les Arabes ils étaient capables de venir ou d'apporter quelque chose qui est semblable au Coran. C'est ce qu'il dit lui. Mais il dit lorsque au moment où Allah Azzawajal a fait descendre en fait, à travers certains versets, il a fait descendre ce défi, il a lancé ce défi aux Arabes, alors il a dit à ce moment-là ils n'ont pas pu venir un Coran. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal les a empêchés qu'ils viennent avec le Coran. Ajazou, c'est ce qu'il veut dire en fait. Et il nous dit le cheikh que hava batil. Ça c'est complètement faux de dire cette parole-là. Le fait de dire que les Arabes avaient la capacité de venir avec quelque chose qui est semblable au Coran, mais qu'au moment où le défi est descendu, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire qu'Allah les a empêchés de faire cela, et qu'ils n'ont pas pu en fait, ils n'ont pas pu écrire un Coran comme le Coran qui est entre nos mains. Il dit le cheikh que cette parole-là, qui est bien sûr la parole d'un innovateur, Mu'tazili, il nous dit en fait que c'est faux, c'est totalement faux. S'ils n'auraient pas pu, Taïb, si on accepte cette parole-là, ou si en fait les Arabes n'auraient pas pu en fait venir avec, ou ils n'auraient pas pu écrire en fait ce Coran, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu tout simplement venir avec des choses qu'ils avaient déjà écrites dans le temps de, dans le fil Jahiliya, c'est-à-dire avant la descente du Coran. Ils auraient pu venir. C'est des choses qu'ils avaient d'Awanou, c'est-à-dire des choses qu'ils avaient écrites, ils auraient pu venir avec cela. Hein, et avec les paroles avec lesquelles ils se faisaient concurrence dans les assoirs, dans les marchés, comme vous savez, au niveau de la poésie, c'est-à-dire qu'ils faisaient des concours de poésie devant les gens dans leur marché, ils auraient pu venir avec cette parole-là, mais à ce moment-là, on voit en fait que même s'ils seraient venus avec cette parole-là, elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran. Elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran, elle ne pouvait en fait aller à l'encontre de la parole du Coran, elle ne pouvait être équivalent à cette parole-là. Donc le shir, il fait en fait une réfutation par rapport à cela, c'est-à-dire qu'ils auraient pu revenir à ce qu'ils avaient déjà écrit. Ils avaient déjà écrit ce qu'ils avaient déjà fait, et malgré ça, ils n'ont pas pu, même ce qu'ils avaient déjà écrit, ce qu'ils avaient déjà dit, ce qu'ils avaient déjà fait, ils n'avaient aucune valeur face au Coran. Il nous dit, il va même nous donner un exemple, le shir. Le shir, en fait, il va nous donner un exemple par rapport à cela. Il y a en fait une parole qui est connue chez les Arabes avant, bien sûr, la venue du Coran, et cette parole-là, c'est la suivante: Al-Qatlu Anfal Il-Qatl. Trois mots. Al-Qatlu Anfa lil-qatl. Ça, c'est une parole en fait qui était connue et présente chez les Arabes dans la Jahiliya. Al-qatl anfa lil-qatl. On peut le traduire par le meurtre, yani anfa, yani du verbe anafa, yanfi, le meurtre en fait élimine leur meurtre. On peut le traduire comme ça, le meurtre élimine le meurtre. يقول الشيخ وقد جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة سورة البقرة. Ça c'est aussi dans سورة البقرة qui est le verset 179. Le Coran, il est venu au niveau de al-ma'na al-'am, c'est-à-dire au niveau de la signification générale, il est venu avec la même signification. Mais le chien maintenant il va nous mettre en évidence comment la part, cette parole là yaqul wa la taslam tilka al-jumlatu min al-khalal al-lafzi wal-ma'nawi. C'est-à-dire que le chien il nous dit en fait que cette parole qui était utilisée al-qatlu anfa lil-qatl, c'est une parole qui contient al-khalal, qui contient en fait des défauts, que ce soit au niveau de la signification et que ce soit au niveau en fait du littéral, au niveau de la signification, au niveau du littéral. Il dit فالخلل اللفظي في كوني مكونة من ثلاث كلمات وواحدة منها مكررة. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit le shirk, dans un premier temps, le défaut qui se trouve au niveau littéral. Il dit que ce terme ou que la phrase utilisée, elle comprend simplement trois mots et que dans ces trois mots, il y a deux mots qui sont répétés. Et ça, en fait, c'est un aïb au niveau de la langue arabe. La deuxième chose, c'est qu'ils disent al-qatlu anfa lil-qatl, le meurtre élimine le meurtre. Il explique le shir en fait que ce n'est pas tous les meurtres qui sont la cause de l'élimination des autres meurtres. Les autres meurtres ne sont pas tous les meurtres. Bien au contraire, il y a des meurtres qui vont être la cause de la multiplication en fait du meurtre, ou al-iqtital, du combat entre les gens. C'est-à-dire les gens au tir de là vont se combattre entre eux. Donc il va advenir encore plus de meurtres. Et donc ça, c'est au niveau de la signification. C'est le défaut au niveau qu'il y a au niveau de la signification. Par contre, dans le Coran, وَلَقُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ. Al-Qisas, vous savez que c'est en fait le talion, la loi du talion, Al-Qisas. Hayatun, bien sûr, c'est quoi? C'est la vie. Donc on voit ici, subhanallah, deux opposés. Le meurtre, c'est-à-dire ici, bien sûr, ce n'est pas le meurtre qui est employé, le terme le meurtre, bien sûr, Al-Qatl, mais c'est le terme Al-Qisas, qui est bien sûr qui est encore plus vaste. Et comme vous savez, la loi du talion, nafsu bin nafs, c'est-à-dire l'âme par l'âme. Et le terme qui est employé ici dans le Coran, voilà comme fil qisas et hayatun, dans un premier temps, il y a, comme je vous ai dit, deux termes qui vont être opposés. Donc ce ne sont pas les deux mêmes termes, comme il est employé dans leur phrase ici, al-qatl ou anfal al-qatl. Al-qisas, hayatun. C'est-à-dire il y a une vie, subhanallah. Regardez comme le Coran, il explique en fait cette hikmah, il explique en fait cette sagesse à travers combien de mots, à travers, si on compte le waw al-fi, à travers cinq mots. Et bien sûr, les mots, ils ne sont pas répétés. Comme dans l'exemple qu'on a donné. Bien au contraire, ici, il y a même carrément deux termes qui sont en apparence opposés. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Il dit le shir, c'est-à-dire les gens, il nous explique le shir, c'est-à-dire les gens, lorsqu'ils savent que la loi du talion est appliquée dans un pays, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, au moment où elle va vouloir tuer, elle va réfléchir deux fois. C'est-à-dire que si je tue la personne, alors moi, je me ferai tuer. C'est-à-dire, je vais passer devant le tribunal et on va tout simplement, c'est-à-dire qu'on va me juger et qu'on va tout simplement me tuer. Et ça, c'est la loi du talion. Et donc, à partir de là, يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. Hayatun, c'est-à-dire que le fait d'appliquer la loi du talion, ou comme fruit de cela, le fruit de cette application, ça va être bien sûr la protection de la vie. C'est-à-dire les gens vont protéger leur vie lorsque dans leur société la loi du talion sera appliquée. Donc on voit ici comment le Coran il a exprimé ce qu'ont voulu exprimer ces Arabes, mais eux, ils ont simplement venu avec un défaut qui est au niveau du littéral, au niveau de la signification. Tout simplement parce que le terme al-qatl, ça veut dire tuer, c'est-à-dire simplement une personne te tue, alors toi tu viens vers elle et tu la tues directement. C'est pas bien sûr comme la loi du talion, où bien sûr au moment où la personne est tuée, elle va être prise, elle va passer devant un tribunal et ensuite on va bien sûr le juger comme étant un tueur et donc le tuer. Sinon, si tous les gens tuaient à chaque fois qu'une personne tuerait une personne, alors la personne viendrait directement et la tuer, ce serait bien sûr bilarak, ce serait encore pire. C'est-à-dire que les gens, ça deviendrait une tuerie complète. Donc on voit ici l'expression qui est prise par le Coran, les termes qui sont employés et qui sont en fait parfaits pour exprimer ce qu'il exprime. C'est-à-dire que dans la loi du talion et dans le fait de rendre la justice par rapport au meurtre, il y a en fait la présence de la vie. Il y a la présence de la vie. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.